Dans la collection des frustrations féminines, nous voilà déjà arrivés à la numéro 11. Il y a un comportement chez les hommes que l'on peut aisément qualifier de goujaterie. Il s'agit de ce moment terriblement frustrant où, après avoir fait leur affaire, ils bondissent du lit sans demander leur reste. Ce genre d'attitude, déjà dérangeante lors d'un coup d'un soir, devient carrément pénible dans une relation régulière. Étonnamment, à aucun moment, l'amant ne se rend compte de la violence de cette action. Pourtant, cette attitude qui peut sembler anodine au premier abord donne l'impression à la fille de n'être qu'un simple objet sexuel, en plus de lui laisser un arrière-goût d'inachevé. Contrairement aux idées reçues, un rapport sexuel ne se finit pas au moment de l'orgasme. Afin d'éviter de profondes frustrations, il est d'ailleurs vivement conseillé de continuer à se câliner après avoir touché les étoiles. D'autant plus que pour les femmes, il est important de prolonger cet état exquis, et cela même en l'absence de sentiments. En effet, en attendant l'atterrissage, il est agréable de profiter de l'apesanteur en se blottissant contre le corps chaud qui a envoyé sur orbite. Seulement, il semblerait que pour les hommes, ce moment soit difficile à gérer. Car le sexe, c'est une chose, mais oser garder la proximité après un moment d'égarement, c'en est une autre. Peut-être parce que la sérénité qu'apporte le corps à corps est prompt aux confessions sur l'oreiller. Il n'est de ce fait pas impossible que cette exfiltration soit tout simplement une manière de se protéger. Sans oublier qu'il y a le risque de s'assoupir, ce qui pourrait laisser apparaître une potentielle vulnérabilité. C'est pourquoi il est plus simple de prendre la fuite sans prétexte de pause cigarette, d'envie pressante ou de douche qui ne peut attendre. Car mine de rien, sous les muscles saillants se cache un petit cœur tout mou, qui supporte mal la souffrance d'un chagrin d'amour. Les hommes n'ont donc rien trouvé de mieux que l'égoïsme pour se préserver. Cependant, il faut reconnaître que ce système de défense a fait son temps. Alors, un petit effort s'il vous plaît. C'était Evan Matisse et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.